بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki, حفظه الله تعالى. الدرس الخامس وعشرون، 25 leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا سأسألك عن كلمات جديدة من النص، ما معنى اليقظة؟ ما أحلى النوم؟ exclamation de que c'est agréable. C'est agréable. ما أغلى النوم؟ que le sommeil est important. La valeur coûte cher quoi. ما أروحه؟ qu'est-ce que c'est reposant. منحة. نعم. وراء. derrière. القوت. nourriture. كف يكف. سيسي. هجع يحجع. dormir. مصادفة. مصادفة. improviste. Coïncider, coïncidence, coordonner avec ou chose qui peut se produire par par hasard. Attala yu'attilu. Détruire. Hmm? Détruire. Là. Dégrader. Je crois les ça. لا في النص ما أخذ هذا المعنى. فيرسيسي كلكو شوز. سيسي. من هم ال ما هو التعطيل في أسماء الصفات؟ إنكار. تكذيب. تكذيب. إلغاء. يعني يذنل اللي نوع أتريبي. التعطيل في المصدر ده عطل يعطله. المعطل celui qui renie les noms attribués. C'est ça qui m'a chawash. Comme ça correspondait à ce que je connaissais là. Tu vois. Pour autant, c'est juste comme ça. Là, c'est faire cesser quelque chose. C'est ça. Arrêter quelque chose. Istagharaka, yastagharikou. Profond. Profond, c'est. Là, istagharaka, c'est. Il y a un lien avec la profondeur, mais là, c'est un verbe. C'est rentrer en profondeur. Ah, ou être absorbé. Ihsasun. Le fait de ressentir. Tadakhala yatadakhalu. Entrer dans quelque chose. Naam. Al-ahlam. Rêve. Tadarrujun. Étape. Ta'attala yata'attalu. Ça s'est arrêté. Naam. المخ. الدورة الدموية. ردد يردد. نعم. Et non pas hésiter comme j'avais dit. Hésiter c'est تردد. حرم يحرم. Être privé d'un homme. Là il écrit يحرم et en fait c'est يحرم. يختص يختص. Elle propre à un homme. Gharib. Étranger. Étrange. Tola'a yatla'u. Se lever. Ouais, se lever. Ta'akul. Sagesse. Hein? C'est le fait de raisonner. Naam. Daqqa yadukku. نعم. طيب كنا قد توقفنا في التدريب الثاني وبالي أخذنا الثالث أخذنا الأول والثاني والثالث أكذا؟ تأكد ما أخذنا الثالث؟ لا ما أخذنا صح ما أخذنا نعم. طيب سنأخذه الآن. يقول هات ثلاثة جمل مشابهة لكل نموذج مما يأتي. Donc prends trois phrases ressemblant au modèle suivant. النوم كالهواء والماء. طالب العلم كالطعام والشراب. عيد. طالب. أيوة. طالب العلم كالطعام والشراب. نعم. الذكر للقبر كالماء للزهرة. وأركان الخمس كالعمود المسجد. ماذا؟ أركان الخمس كعمود المسجد. كم في عمدية الجمد عمود عمدية عمدية البيلي عمدية Non, je crois que c'est un témoin de bouton. Attends, je dis pas de bêtises. Là, non, c'est, je crois que c'est un Hamza Mamdoud. Amdiye ou comme Asdika ou. Non, pas forcément, attends. Non, c'est un thème arbouton, c'est comme Silah Aslihatun. C'est un thème arbouton, il me semble. C'est Ouraja, Inch'Allah. Mais il me semble que c'est un thème arbouton. Comme Silah Aslihatun. Akrab, je crois que c'est un thème arbouton. Toyeb. Jumla Thania, Arakatu Shamsi bin Naomi Leysat Moussadafatan. Que le lien entre le soleil et le sommeil. Le soleil et le sommeil ne sont pas le fruit du hasard, ne sont pas une coïncidence. Déjà, on ne dirait pas le fruit du hasard, parce que le hasard n'a pas de fruit. Mais genre, c'est pas un hasard, c'est pas là de façon. Comment dire. C'est pas une coïncidence, quoi. Il y a une raison. الحمد لله يديك الله سبحانه وتعالى عيد الجملة علاقة القمر بالنبات ليست مصادفة اللي بين la lune et les plantes sont pas un hasard c'est pas une coïncidence et c'est quoi le lien c'est que ça joue sur la plantation elle se fait par rapport au قمر ah ouais ah طيب طيب زيد علاقة الشمس بالحارة فتجب الجوع في حارة العالم ليست مصادفة donc le lien entre la chaleur du temps et le soleil c'est pas une coïncidence علاقة الشمس بالقمر ليست مصادفة Le lien entre la lune et le soleil, c'est le fait que ça varie. Ça, il se voit, l'alternance entre le et les jours. Thalithan, la yastaghliku hada al-tahawul akthar min daqiqatayn. Que, on va dire, ce changement de situation, tahawul, yani à la base, tahawul, c'est plutôt passer d'une situation à une autre. Ne prend pas plus que deux minutes. La yastagliku, c'est le fait de... T'as compris quoi? Prendre un certain temps. Là, on traduit par prendre. هذا التحول أكثر من دقيقتين. Changement d'étape, changement de situation, on va dire. On dirait transfert, on dirait. Là, j'ai pas le mot exact en tête. اقرا فنرى لا يمشي هذا التحول اقل من 6 اشهر قصدي je vois pas le par rapport au temps je veux dire par exemple l'enfant le poste c'est l'enfant il va pas marcher avant et التحول eux le التحول انت parles c'est التحول du يقظة الى النوم. Que tu passes du stade du réveil à celui du sommeil. Quand tu regardes la yastarik, et tu mènes, par exemple, tu coules, la yastarik, adal amel, aksar min yom. Ce travail ne prendra pas plus qu'une journée. Ah, pour soigner avec la yastarik. Ce sera plus simple. Ouais. لا يستغرق هذا الفعل أقل من ربع ساعة نعم لا يقضى هذا التحول أكثر من 3 أيام لا لا يقضى يقضي لا يقضي هذا التحول أي تحول لا يستغرق هذا هذا اليقظة هذه اليقظة أكثر من يوم واحد Donc ce réveil ne prendra pas plus d'un jour. Ce réveil. Son réveil ne prendra pas plus de 6 heures. Il ne peut pas dormir non plus 2 heures. Hein? Ouais, ça suffit. Tu parles du réveil là, pas du sommeil là. Ah. Al yakaza, t'as pas dit. Cool. Et c'est à dire qu'il y a un nom. Nom. Hein? لا يستغرق هذا اليقظة هذه اليقظة إذا لا تستغرق سبعت أنت لا تستغرق هذا اليقظة هذه اليقظة أكثر من 3 دقائق Et ce réveil ne prendra pas plus de 3 minutes. Tu veux dire quoi le fait de se réveiller? Voilà, tu te lèves là. Genre ça sonne, tu te réveilles, tu te lèves. Nala, toi tu parles du... Toi, tu parles de se lever, toi, tu parles pas de se réveiller. Yakada, c'est se lever. Yakada, c'est se réveiller. Toi, tu parles du fait de se lever, de réagir, de se lever du lit, par exemple. Ouais. Non, Yakada, c'est le fait de sortir du sommeil vers la réalité. Quand tu dors, tu ouvres les yeux, hop, khalas, Yakada. Ah, mais après, le temps de bailler, de t'étirer, de qu'est-ce qui se passe, tu vois, de gratter le coin de l'œil et tout. Ça. Après de te lever, d'aller faire ce que tu as à faire, ça c'est le PM. ما هو سوى؟ فهمت؟ طيب لا يستأثر بالنوم غني ولا يحرم منه فقير. Que le riche ne peut se procurer, du moins l'acheter, ni le pauvre ne peut être en privé du sommeil. لا يستأثر بالحفظ الغني ولا يحرم منه الفقير. نعم la mémoire, la mémorisation. لا يستأثر بالشمس الغني ولا يحرم منه الفقير. Ça dépend de la façon. Ça dépend. Ouais, Shams. Shams, non. Pas l'acheter Shams. Non, pas l'acheter Shams. Mais. Yanni. Tu peux en profiter plus. Des gens qui ont de l'argent peuvent plus profiter du soleil que d'autres. Par exemple, par l'appartement, il aura un appartement soleillé. Là, tu vas avoir une caverne. S'il n'y a pas d'argent, il aura un petit. Voilà. Ou l'autre il pourra partir en vacances dans un lieu où machallah, l'autre il pourra pas partir. Mais c'est vrai qu'à la base de Shams, tout le monde y a droit, tu vois. Où tu sois, si Shams il est là, tu vas l'avoir. On va dire des profits vraiment agréables, même pour le Shams. Des gens peuvent en avoir plus que d'autres. Naam. On y va. Naam. يعني إذا قلت تعني الاستئثار هنا بمعنى le fait qu'il achète de façon réelle, non, il peut pas. Mais par son argent, il peut faire du khayr, il peut. Il fait beaucoup de sadaqa. Ou yunfiq fi sabilillah, il peut. Naam, il peut. Par le biais de son argent, par sa niya, il peut obtenir le. Il peut être, ça peut être une cause que Allah lui fasse entrer dans son jannah. Donc à la base, il y a trop le Fokara et le Jannah, 500 000 sana comme l'Arania. Que les pauvres feront avant les riches de 500 ans. De toute façon, 5 000, je crois, je doute. Pour dire que voilà quoi. Ouais. Min sunnatillah, nal anbiya, aksaruhum, gharibuhum, kanu, Fokara. Tu vois, que Allah a choisi pour ses prophètes la pauvreté. À part certains, peut-être comme Suleyman, Daoud étaient des rois, comme on dit souvent. Sinon, les autres, de ce qui est connu d'eux, c'est qu'ils étaient pauvres. Naam. Al-Kalbu yadoku wal-mi'adatu ta'amalu. Le cœur bat et, on va dire, les entrailles travaillent. Tout ce qui est intérieur, quoi, intestin, boyau, etc. J'ai écrit quoi, moi? Après, je ne voyais pas trop. J'ai écrit Al-Mur yufakiru wa yuzaharu. Là. Là, il faut que tu fasses une phrase dans laquelle il y a deux éléments qui agissent sur quelque chose. Le cœur bat et les intestins travaillent, mathalan. Donc tu vas dire, le cerveau réfléchit, médite et. Ouais, j'ai après, je dis, c'est. Et le nez respire. Ah, ça n'a rien avec les rêves. Là. Ah. Ou l'anf, il y a ta nafas, mathalan. Non, il y a une tafir. Une tafir? Il y a la poitrine gonfle, se gonfle, ouais. Se bombe. Non. يستريح يستريح الجسم وذهب الروح ويذهب الروح كيف الى النوم. طيب يعمل النبات كالانسان سعيا وراء القوت ك les plantes va dire travail parce que les bois agissent. Tout comme l'homme qui s'efforce derrière à acquérir sa subsistance. J'ai écrit. Tu peux dire Yamel ou Yelhaf al Kalbu Kel Nsen Sayan Wara Dunya. Que le chien Salet ou Dialit Halit quand il fait comme ça là. Comment ça s'appelle déjà? Il y a un verbe. Bref, tu vois, t'as compris ce que je voulais dire? Ouais. Je crois que c'est Alité, mais avec un H. H-A-L-E-T-E-R. Je crois que c'est ça. Et pas Alité en sens Alité. Je crois que c'est Alète. Donc c'est Alète. Tout comme l'homme court derrière la dunya. La Falen. يعمل ouais, moi non plus j'ai pas trop d'inspiration là, t'as vu, pour te donner une idée. Allez, on va t'accorder une phrase. Yes. Allez, t'as donné Bérabia. Comme je t'ai dit, on n'est pas à l'école ici, donc t'as vu, on n'est pas obligé de faire tout à la lettre. Alhamdulillah, on reste souple. Si des fois il manque une phrase de français, AMG, si je vois que j'ai, t'as compris ou quoi. T'as bien cool. Is'el su'alain an. Donc pose des questions à propos de As-Sabah. Le matin. Là, il ne demande pas, il demande une question à propos du matin. As-Sabah. Pas à propos de toi ou quoi. Il t'a pas dit utilise le mot sabah. Il t'a dit de pose des questions à propos du matin. Le matin en lui-même. Question sur deux points par rapport au matin en lui-même. Matin sabah. C'est quand le matin? Matin. الصباح مثلا او تقول كيف الجو في الصباح كما هو الوقت او متى فهمت النوم كيف يبدا النوم اي بالنعاس و سؤالين دوزيام قال يسال سؤالين دوزيام كيف تخرج من النوم؟ لا كيف الخروج؟ كيف درجة النوم؟ مثلا نعم أشعة الشمس لغيون السولي ما طول أشعة الشمس؟ تو دير لونغيور دي غيون السولي نعم tu pourras pas savoir. Tu pourras pas savoir. Ma fawaïd ashiyat ou shams. Quelles sont les facultés ou les bénéfices tirés de des rayons du soleil? El irsas. Fait de ressentir des sensations. Qu'est-ce que ça c'est une noise? Là, je crois pas, parce que là, Irsès. Il n'y a pas le noir, c'est pas dire cesse. C'est le fait de ressentir quelque chose. Mmh. Voilà. C'est l'insan de dire cesse. C'est toi qui ressens les choses. C'est ça que je voulais dire. Quelle est la sensation de rentrer en sommeil? Ah non, c'est pas l'air ça ce qu'il faut utiliser. Tu vois? Mata ينتهي الإحساس. Quand est-ce que cela cesse? Il peut ressentir quelque chose. عند النوم مثلا. طيب. ما فوائد الإحساس؟ نعم تقول له. العلماء من هم العلماء؟ كي سون السافون؟ وما فوائد العلماء؟ نعم، كثيرة جدا. الدورة الدموية. كيف الدورة الدموية؟ نعم. ومتى توقف الدورة الدموية؟ نعم عند الموت. الأحلام متى يبدأ الأحلام؟ متى تكون الأحلام بتو؟ عند النوم. Les rêves ont lieu pendant le sommeil. Wa. Alakem, aksem, salin et ahlam. De combien de sortes sont les rêves? Kem. Voilà. Mahia. Même. Naam. نعم حسنت. خليل الخامس. خامس شوي غاسيه شوي غاسيه شوي غاسيه شوي أبسو. Hein, de faire le cinquième exercice. Et même moi, hein, que je lis, j'y lis les phrases, j'ai déjà un soudard. Donc, on le saute. Atadrib al-Sadis, sixième exercice. Ajib al-Ati. Réponse qui suit. Maza yakuru al-Marid عند النوم. Qu'est-ce que le malade dit lorsqu'il dort? Prends juste la première phrase qui donne au début du texte. La cool. Il dit rien. Hein? Non, en fait, il veut que tu apprennes du texte. Il est quoi dans le texte? Il y a trois phrases. Il a dit Ma ahla al-naum. Qui dit ça? Après, celui qui va bien. Ma a'zab al-naum. Manu? C'est le mari. Ah, il va. حلوان لذيذا. Pourquoi est-ce que le sommeil est agréable? لأنه وقت الراحة. C'est le temps du repos. ما علاقة الليل بالنوم? Quel est le lien entre la nuit et le sommeil? Tu peux reprendre par le verset. وجعلنا الليل لباسا. Un revêtement pour que vous puissiez en fait dans le sens de dormir. Hello. Lena Lay walked in Nome. Aslan. La nuit à la base, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de lumière, donc c'est pas le temps d'aller, tu vois. À part dans certains cas. Mais sinon, à la base, c'est l'heure pour dormir. Il y en a, c'est l'heure où ils se réveillent justement. كيف تكون الصلة بين النائم والذين من حوله ومن حوله؟ Comment sont les quel est le lien entre le dormeur et celui qui sont autour de lui? Ma fille, là, il y en a pas. Ou alors s'il ronfle, il énerve les gens. Ou s'il prend toute la couverture, sa femme va être fâchée contre lui. كيف يكون الدخول في النوم والخروج منه؟ Comment est l'entrée dans le sommeil et la sortie? نعم. والأكثر عند الإنسان أن الدخول محبوب والخروج مكروه في الغالب. Il aime s'endormir, il n'aime pas se réveiller. Tu vois, avant de dormir, il est content. Et au moment où il faut se réveiller, il n'est pas content. Il n'y est pas maintenant, tu vois. En général, chez l'être humain, c'est comme ça. Mazakulu shaitan il imsen. Kale inna amamaka layla tawila. Fa nem, nem. Faut pas qu'il se lève la nuit. C'est une longue nuit. Dors, dors, dors. Hata yusbih. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Tu dors, tu te fais pour Fajr. Qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il urine dans ton oreille. Wal'a'udhu billah. Donc, tu imagines les koufars? Les koufars, tu imagines un peu, c'est quoi? Des urinoirs, comme on dit. Des urinoirs à Shaitan. Sommeil joulé, je sais pas quoi. Shaitan, rien qu'il y a une urine sur vous tous les soirs, tous les matins. Il se vide sur vous. Wal'a'udhu billah. Et ça, c'est votre nom, ça devrait aussi inquiéter ceux qui ont pas salat. Ceux qui disent je suis musulman, je fais pas salat. Ça devrait te réveiller un petit peu. Que tous les matins, là, ben voilà quoi. T'en as les runes dans ton oreille. Et c'est pas n'importe qui en plus, tu vois. Naam. Mallazi yazillu amilan fil jism. Fil jism al-insan afna al-nawm. Qu'il y a la chose qui continue à travailler dans le corps de l'humain. Lors du sommeil. Mahou. Al-Mukh. Al-Mukh. C'est le Mukh qui fait travailler tout le reste. Toi, tu parles le Daoura, le Demawiya ou le Qalb, tout ça. C'est le cerveau qui les fait travailler. C'est lui le moteur. Bifadlillah. Bima tasifu allazi yuhawil an yasta'niya an an-nawm. Comment je décris celui qui tente de se passer du sommeil? Mon mari. Mon majnoun. Il est fou. Tayeb, un homme, c'est Fat Kamel? L'insan, aïwa. Ama Allah, inna Allah la yanam, wa la bayan baynahu an yanam. Que Allah ne dort pas. Wa la ta'khudhuhu sinatum wa la nawm. Voilà. في حق الله هذا صفة نقص أما هذا الإنسان صفة كمال أحسنت ماذا يعطل النوم في الإنسان وماذا لا يعطل كيف كل سمي في سيسي شي لهم وكيف كل نفر بس السن حركة الجسم ولا ولا يعطل المخ والدفر القلب حركة الجسم تأكد تبوش بلو كنت تدور ما يبوش كنت يدور disons plutôt يعطل الإحساس tu ressens plus rien ما يعطل كما قلت حركة المخ والدورة الدموية والتنفس وغير ذلك نعم التدريب السابع أكمل كما يأتي donc complète comme cela suit تطلع الشمس وتنشر أشعاعها نعم que le soleil se lève, que ce rayon diffuse la vie. Taribu Shamsu. وماذا؟ وتطلع الحمام. تغلق الشيء وتطلع الحمام. تطلع. تطلع. Que le shams disparaît, que la lune se lève. طيب. الثامن أجيب عن عن الآتي. متى تنام؟ بكرا. بكرا. تو. هل تستطيع النوم في أي وقت تشاء؟ Tu peux dormir quand tu veux. لماذا؟ programme organisé. الأوقات التي تفضل النوم فيها. Quels sont les temps dans lesquels tu préfères dormir? Aïwa, à 10 heures. Dis la nuit quoi en fait. Enfin dormir la nuit tout simplement. الأوقات التي تفضل النوم فيها في الليل. مثلا. ماذا تفعل إذا لم تستطع النوم ليلا؟ Qu'est-ce que tu fais si tu ne peux pas dormir la nuit؟ نعم. ألا توافق بأنه يجب على الإنسان ألا يرقد إلا عند رغبة في النوم؟ Est-ce que tu es d'accord avec le fait que l'homme doit ne doit dormir que lorsqu'il en a besoin. Il ressent l'envie. Et pourquoi? Là, tu vois, Féco? Pourquoi? Si tu habites encore un tartib, tu vas pouvoir te dormir à des heures précises. Et même si tu. Alors que si tu dors que quand tu es fatigué, le lendemain tu ne seras pas à Moustamed là. Mm-hmm. Jour à jour. On a voulu en arabe. Réinchallah, vas-y. Parce que très tu es gracié de celle-là aussi inshallah. Tout comme tu es gracié du tadrib at-tasi'. Il est un peu faqil. On le saute. Tadrib al-ashir. Dixième. Istamil kul kalimat min kalimat atiya fi jumlat mufida. Utilise les mots suivants, tous les mots suivants dans les phrases sensées. Ashia. تأثير ثامن منحة النوم منحة من الله كفة إذا جاء ليلة كفة هذه العمل يختص والله يختص برحمة من يشاء يحجع يحجع الإنسان بعض العشاء عطل النوم يعطل الإنسان التفكير يعطل التفكير الإنسان السمي في سلسلة الأفكسيون دولاب حرمة حرمة لا يستكثر بالنوم الغني ولا يحرم منه الفقير نعم تدخل شيرا fait du hors-piste. Pour prendre juste le verbe au mardi. As-tu le verbe au mardi? Comme il est venu là. Là c'est harrama. Là on veut harrama. Tu te caches derrière moi? Hein? Mon chien, Inch'Allah, on le saute. Tola'a. Tu l'as déjà fait, ouais. Hara. Mana taraddada, en fait. Hara, mana taraddada. Hésiter ou. Quand j'ai pris Hara, l'olama, puis le Hakmatul Lay. Moi, Hara, c'est le mana que j'ai trouvé maintenant, c'est vrai que. Il y a un mystère, là. Fassal bi khabira. Hein? Ça hésiter, s'embrouiller, s'embarrasser. Pour la phrase. Tadar rouge. Il y a quoi nous, Tadar rouge? يكون تدرجا كالخروج منه مثلا غريب الإسلام حقيقي غريب الإسلام حقيقي غريب نعم متعب المريض المريض متعب نعم Je t'avais dit le 11. Psst. Il n'est pas. Il n'est pas moufid. Al-Tadrib Athani Achar, 12e. Yaqulullah Ta'ala, Wajahna al-Layla Libasa, Wajahna al-Nahar Ma'asha. Hat Arba Jumel Fishar Al-Aya. Nous avons fait de la nuit un revêtement, de la journée, je ne sais pas comment traduire, c'est un moment de vie, quoi. Dans le sens. Donne quatre phrases pour expliquer le verset. Yirchennes, Olamahu, Osawadahu, Mana Kedalik, Mana Seken. Dans la deuxième, وجعلناه مشرقا منيرا منيرا مدو مدي مدي مدي مدي مدي qui est clair tu veux dire مدي مدي يتمكن الناس يتمكن يتمكن يتمكن للناس من تشريف في والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب و وإيش؟ كسب تكسب تكسب تكسب تكسب التكسب والتجارات والتجارات وغير ذلك. Traduit. Comment tu peux pas? Kif, kif, kif, hada. Aïe, je t'ai dit. Je t'ai grâcé beaucoup de choses là aujourd'hui. Celle-là, je te la laisse pas. Aïe, traduis-moi ce que tu as écrit là. Mana, dans le sens. Hmm? Yarsha. Et ses ténèbres et son obscurité, tu veux dire, hein? De la nuit. Ça c'est tafsir ibn Kathir. Ah, bien, c'est pour ça que t'as pas traduit en fait, c'est pas de toi. Vas-y, je vais pas faire un hashtag de. Bah si, t'expliques, c'est quoi la nuit, le. Ojana Leil Ibasa. Nous avons fait de la nuit en revêtement. Pourquoi? Pour dormir. Après, t'expliques un petit peu. Et le Nahar Ma'asha, un moment de vie. Pourquoi? Azao. Parti pour le chef de Kathir. Mais après, c'est bien de prendre le kalem d'un imam. Il faut expliquer son kalem à l'imam. Parce que là, ce que tu as fait, c'est du plagiat. Du plagiat. Tu as fait un copier-coller. Ah, mais moi, je n'ai pas copier-coller. Moi, je veux que tu comprennes déjà ce que tu as copié. Si tu fais juste copier-coller, tu n'as pas compris? Ah. Parce que demain, tu viens de voir quelqu'un et tu expliques le verset. Quand Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, kada kada kada. Après, tu dis, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je dis, je sais pas, j'ai juste lu ce qu'il a dit, moi. Tu vois? Bah, le frère, il a pas cette faute de toi. Vas-y. Tayyib. Thaniyan, al-yughni al-nawmu al-nahar, an-nawm al-layl. Limada. Est-ce que le sommeil de jour, faut qu'on se passe du sommeil de nuit. Et pourquoi? لماذا الحجة بين عيني بشروحات أولا بشروحات الطبي تعميك سانكا وبخلاف الآية على تعدي كمانسي بار خلاف الآية et après الطبي فإنه يخالف ذلك قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وكذا الآية خلاص فإلى هنا والحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com